chercher et voir que sa présence n'y est pas. Pas de fin possible ou sensée, ne programmer au-delà de ça. Même pas d'histoire, rien à raconter, rien à oublier. Que des silences qui séparent, se séparent, me séparent, nous séparent. Pas facile d'effacer ces mots et ces sourires partagés. Pas d'explication raisonnée n'ont été prévues au-delà. Repeint en noir des souvenirs présents si fort encore. Tous ces silences qui séparent, te séparent, me séparent, nous séparent. J'ouvre les yeux, je relève la tête. Je suis prêt à traverser la frontière. Je n'ai pas peur d'oublier ma dette. Je suis prêt à traverser la frontière qui sépare, qui sépare. L'écriture commence vite. Dis-moi qui comprendra tout ça pour ça. Est-ce possible de fuir sans rien dire de quelqu'un qui est déjà loin de toi? Est-ce possible de fuir sans risquer de tout détruire? De ces silences qui séparent, te séparent, me séparent, nous séparent. Je suis prêt à traverser la frontière. Je n'ai pas peur d'oublier ma dette. Je suis prêt à traverser la frontière.